Portrait d'assaut sur Fadjet. L'association Le Didlo va fêter ses 40 ans, l'occasion de faire un portrait de cette association déjà bien présente à Nancy. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio Michel Marchal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Le Didlo. Oui, je suis le président depuis quelques années du Didlo. C'est une association qui à la fois est bien connue et puis qui est parfois aussi un peu peut-être discrète. Hein. La mission du Didlo est d'accueillir les familles des personnes qui sont détenues, en particulier donc au centre pénitentiaire, maison d'arrêt maintenant, sur le plateau de Haye, au plus haut du Lièvre. L'association est née il y a presque 40 ans. C'était quoi le déclencheur de la création de cette association? À partir de quel constat ça a été créé? Les personnes qui ont été à l'initiative de cette association ont constaté l'état de dénuement, mais vraiment qui était celui des familles, dans lequel les familles attendaient sous le porche de Charles III, qui est détruite maintenant, dans des conditions d'hygiène, des conditions de sécurité, des conditions d'intimité, je dirais, vraiment déplorables. Et ça a fait naître chez trois personnes, une universitaire, une visiteuse à Charles III, entre autres, ce besoin. Il y avait un besoin d'accueillir les familles dans des conditions décentes pour aller visiter leurs parents, leurs amis, leurs familles. Pour les auditeurs qui n'auraient pas connu, la prison Charles III, c'était vraiment tout près de la gare, dans le quartier de la gare de Nancy. C'était tout en haut de la rue Charles III, près du pont des Fusillés, en face du lycée Sifflet. Et c'était une vieille institution. Historiquement, c'était de très, très, très, très vieux bâtiments. Ça a été aussi, il faut le rappeler, moi je tiens à le rappeler, ça a été le lieu aussi d'enfermement des personnes résistantes au moment de la guerre, qui étaient jugées, qui ont été enfermées là, et pour beaucoup qui sont morts à la Malpierre, à Champignolles. Voilà, donc cette prison Charles III qui a été détruite depuis, vous l'avez dit, aujourd'hui maintenant, le centre pénitentiaire, c'est depuis 2009 à Nancy-Maxéville. La création de l'association il y a 40 ans et son implantation, ça a été facile, ça a été simple de faire entendre ça à l'administration pénitentiaire. Alors ça a été, autant que je puisse me souvenir, je pense que l'ancienne présidente et initiatrice, entre autres, de cette association, Marie-Jeanne Poisson, l'expliquerait mieux que moi. Ça a été un travail de longue haleine. Il a fallu convaincre l'administration pénitentiaire parce qu'il n'y avait pas d'espace. Il n'y avait aucun espace disponible autre que la prison elle-même pour mettre en place cette association, des locaux qui soient décents. Et on a eu à cette époque-là un directeur régional de Strasbourg qui a écouté, qui a eu l'oreille et qui a compris le sens de cette démarche. Mmh. Et on a été beaucoup plus loin, il a été beaucoup plus loin puisqu'il a permis, alors ça c'est un symbole énorme, d'ouvrir le mur de Charles III pour donner accès à un espace qui peut-être était des cours de promenade qui n'étaient plus utilisés et pour y construire cette association, les locaux, avec des entreprises locales et entre autres, il faut le rappeler, le Grand Sauvois, qui a participé à l'élaboration, à la construction de ce lieu. Voilà, donc c'était une vraie victoire et depuis, ce lieu a permis d'accueillir donc les familles en attente de parloir, essentiellement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis c'était innovant parce que, autant que je me souvienne, il y avait un tel lieu à Lyon, je crois, et c'était le seul. Moi, j'en ai connu un aussi à Clairvaux, mais qui était dans un lieu à côté de la centrale. Mais c'était vraiment les prémices de l'accueil des familles où on commençait à se dire, mais il y a des détenus, mais il y a aussi des familles qui viennent, qui attendent. Et il a fallu une réflexion à la fois d'humanistes, de personnes humanistes et d'universitaires qui ont porté une réflexion très profonde pour arriver à cela. Voilà, donc une association importante aujourd'hui qui permet l'accueil de ces familles, des femmes, des hommes, des enfants aussi. Voilà, hommes, femmes, enfants, bien sûr, dans des conditions là-haut sur le plateau de Haye, qui sont décentes, puisque l'administration pénitentiaire, quand les nouveaux bâtiments ont été conçus, a implicitement construit un bâtiment qui est juste en face le centre pénitentiaire, réservé à la fois donc à l'association et puis donc en lieu d'accueil des familles en partenariat avec IDEX, qui est un partenaire de l'administration pénitentiaire qui prend en charge les parloirs, les rendez-vous, qui fixe les rendez-vous, qui organise ça. Et nous, nous fonctionnons en partenariat avec IDEX pour accueillir les familles à la fois sur le plan pratique et sur le plan humain. Pour parler un peu d'aujourd'hui, même des quelques années qui viennent de passer avec la période des Covid où ça a arrêté pas mal de choses, il y a plus de visites. Le lieu a été fermé un certain temps, il a fallu s'adapter. Beaucoup de nos accueillants ont hésité, ne pouvaient plus venir. Ça a été véritablement un problème majeur, oui, effectivement. Et vous arrivez un peu à retrouver maintenant une activité, les parloirs rouverts, bien sûr. Alors, bien sûr, les parloirs sont rouverts, l'activité d'accueil des familles a repris. Simplement, on a perdu un certain nombre d'accueillants pour des tas de raisons. Et puis, il y avait entre 35 et 40 accueillants bénévoles, nous n'avons pas de salariés, qui se relayent tous les jours, matin et l'après-midi, pour accueillir bien sûr les familles, mais c'était en duo. On fonctionnait toujours en duo parce que le principe était d'avoir un regard double sur ce qui se passait, pouvoir échanger, ne pas laisser les accueillants tout seuls. Maintenant, de plus en plus, les accueillants se retrouvent seuls vu la baisse du nombre d'accueillants. Oui. Donc, j'en profite pour faire un appel aux personnes qui seraient intéressées pour venir nous voir, nous rencontrer, prendre contact avec nous, donc, et puis essayer de voir si ça leur convient. Ce n'est pas une démarche simple. Oui, on s'engage à quoi quand on est accueillant? On s'engage à venir de manière assez régulière, 2 heures par jour. Alors, ça peut être une fois par semaine, ça peut être 2 fois par semaine, ça peut être moins, pour être présent, accueillir les familles qui viennent pour charger souvent de vêtements, de rechange, et être là. Alors, le travail de l'accueillant, c'est être là, la présence déjà. Oui. Hein. Moi, j'ai toujours pensé que c'était le lien entre la cité et l'enfermement. Il y a quelqu'un de la cité qui vient, qui est là, qui ne juge pas, qui est là juste pour accueillir, pour aider, pour bien sûr écouter beaucoup, hein, écouter. Mais même, il y a des personnes qui peuvent venir voir des familles pendant 1 an, 2 ans et qui ne communiqueront pas. Mais ils sont là, ils sont à l'abri à la fois des intempéries, à l'abri des chaleurs excessives en été. Ils ont possibilité de pouvoir s'occuper des enfants, langer les enfants, les changer, de pouvoir se désaltérer, prendre un café, discuter. Et puis aussi de discuter entre elles. C'est un lieu d'échange aussi. Les familles échangent entre elles. Hein. Et aussi, maintenant qu'on est revenu maison d'arrêt, enfin que ce lieu est devenu maison d'arrêt exclusivement, il y a beaucoup de personnes qui arrivent pour la première fois. Oui. Hein. Donc, ça permet de dédramatiser la situation, même si les raisons pour lesquelles ils viennent sont graves. Bien sûr. Hein. Mais ça permet de dédramatiser la prison, qui est quand même un lieu nourri de fantasmes, de réalité, mais aussi de beaucoup de fantasmes, et de préparer les gens à pouvoir rentrer les plus sereinement possible en détention. Voilà, donc vous recherchez du monde, donc on n'hésite pas à vous contacter. Voilà. Vous, Michel Marchal, vous êtes président de l'association, vous la connaissez depuis quelques années, cette association aussi. Qu'est-ce qui vous y a fait vous investir? On est venu me chercher. Voilà. Donc, on m'a proposé cette fonction, l'ancienne présidente, voulant passer la main après des années d'investissement, m'a sollicité par mon passé en tant que travailleur social, entre autres à Charles III. J'ai pris un temps de réflexion et puis j'ai accepté. Je me suis dit oui, peut-être, si on vient me chercher, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et tant bien que mal, j'essaye d'assumer mon rôle de président. J'ai toujours eu, j'allais dire, une appétence, oui, une sensibilité profonde pour l'enfermement, tous les types d'enfermement, qu'ils soient religieux. Et c'est assez étrange parce que les prisons étaient souvent des lieux d'enfermement religieux avant d'être des enfermements pénitentiaires. Hein. Je repense en particulier à Clairvaux, la première prison où j'ai mis les pieds, j'avais 22-23 ans. Ça a été un choc. C'était vraiment un choc de rencontrer le monde pénitentiaire de cette époque-là. Quel regard vous avez sur ces années de présidence, des temps marquants? Ce que je retiendrai surtout, c'est la constance des accueillants. Hein, on a des gens qui sont là depuis presque 40 ans maintenant, parce que les gens, hélas, disparaissent aussi. mais on a une constance des accueillants et des accueillantes, hommes, femmes, c'est surtout cela. Et puis, le fait que les familles vraiment apprécient, maintenant c'est vrai que Charles III, ben, c'est un peu oublié, là. Les familles qui viennent maintenant, très très peu ont connu Charles III, quelques-unes donc ne peuvent pas faire la différence hein, avec ce qui était ici l'accueil ou l'absence d'accueil. Mais c'est surtout, il y a une reconnaissance des familles, elles viennent là dans un lieu qui est neutre, qui n'est pas jugeant surtout, et c'est ça qui est essentiel. Hein. Je crois qu'on a un certain nombre de personnes, d'accueillants, qui sont sans jugement. On est là, on accueille, et tout en sachant, enfin je le répète, ça c'est quelque chose, que tout un chacun peut un jour être amené à venir là, dans ce lieu d'accueil, pour voir qui, un ami, sa femme, son mari, son fils, voilà. Le 4 avril, vous allez faire votre assemblée générale au sein de l'association Le Didlo. C'est l'occasion de faire le point aussi sur les absolument, années précédentes. Il y a un rapport moral, il y a les rapports financiers qui sont... On est aidé aussi pas mal par des subventions de la communauté urbaine, de la ville de Maxéville. Bon, et on les en remercie vivement parce que ça nous permet de tenir sur des fonctionnements au quotidien, oui. Puisque... Mais surtout que vous n'avez pas de salariés, vous l'avez dit aussi. Non, hein, c'est on n'a pas de salariés. Mais c'est un choix, ça, c'est volontaire de ne pas vouloir prendre de salariés ou... C'est volontaire dans le sens où on n'en voit pas pour l'instant la nécessité. Ouais. Hein, et puis qu'il y a des bénévoles qui assurent quand même le secrétariat, la comptabilité. Bah, tant que ça fonctionne comme ça, tant mieux, je dirais. Et puis, on fonctionne, je veux rappeler quand même qu'on fonctionne tous les jours, du mardi au samedi. Avant, c'était le dimanche, puisqu'on faisait centre de détention. Il y avait un centre de détention. Et puis, il y a d'autres actions aussi qui sont menées. En dehors de l'accueil simple et pur, il existe aussi la possibilité qui a été mise en place, entre autres par Martine Poutas, une action qui est, moi, à mon avis, assez extraordinaire, qui est de permettre de sortir des enfants en très bas âge, des nourrissons, de les sortir, alors bien sûr avec l'accueil des mères qui sont détenues, et de les conduire une fois par semaine, voire parfois plus, à la crèche Botson qui est sur le plateau. Il y a une convention de manière à sociabiliser ces enfants qui n'ont d'univers depuis leur naissance que les murs de la détention. Oui, parce qu'il y a des femmes qui sont en prison, voilà, ont leurs enfants avec eux. Il y a des femmes, bien sûr, il y a un quartier femmes. Ça se sait peut-être pas, ça. Dans lequel des femmes qui arrivent enceintes et qui accouchent, les femmes, elles, sont détenues, mais les enfants n'ont pas le statut de détenu. Donc, il y a un partenariat entre l'administration pénitentiaire, le Didlo et la crèche Botson pour permettre à ces enfants de sortir avec, bien sûr, l'assentiment des mères. Et je vous assure que ça, c'est assez émouvant parce que les mères, parfois, sont réticentes parce que c'est très difficile de laisser confier son enfant à quelqu'un. Mais on arrive, bien sûr, à faire admettre. Elles en tirent un profit magnifique. On peut faire des photos. On est autorisé à faire des photos à l'extérieur. C'est un travail. Et il y a une équipe au sein des accueillants qui est spécialisée un peu pour faire ce travail. Vous proposez des formations pour apprendre à écouter Oui, des formations au cours de l'année par un psychologue qui permet aux accueillants, à la fois sur des thèmes qui ont été définis en début d'année, d'échanger et sur la notion de parentalité, d'enfermement, enfin voilà, c'est nécessaire. Et quand on vient, quand on est candidat au Didlo et qu'on veut faire venir accueillir, ben on est toujours au départ pris en charge par un ancien. Et puis on voit si ça convient, si ça convient pas. On peut se dire non, ça ne me convient pas, c'est pas ce que j'attendais, c'est autre chose. Ça peut paraître parfois, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là ? Il faut du temps pour mesurer l'impact que l'on peut avoir dans l'accueil des familles. Les familles sont très différentes, les cultures sont différentes. On est bien sûr religieux, hein, on est complètement laïque. Hein. Bien sûr. Ça, et puis, il faut rappeler que nous sommes dans les locaux de l'administration pénitentiaire. Ce sont des locaux qui nous sont concédés à titre gratuit et des très beaux locaux. Et puis, je voulais mentionner aussi qu'il y avait des associations qui viennent faire la lecture aux enfants les mercredis, quand ça aussi c'est important. Hein, voilà. Pas mal de choses, donc hein, beaucoup de services, beaucoup d'attention pour les familles. De l'accueil, de la prise en compte et puis de l'écoute. Voilà, je crois que c'est surtout ça, de l'écoute. Quand on ressort d'un parloir, on peut être bouleversé, on peut être en pleurs, on peut être euphorique parce que ben on sait que il y a un processus d'aménagement de la peine de celui qui y est ou qui va sortir. Il y a un tas de petites actions qui peuvent être menées auprès des familles, mais surtout être à l'écoute. À l'écoute. Voilà. Et voilà 40 ans que l'association Le Didlo est à l'écoute. Le 4 avril, vous ferez votre assemblée générale au Buisson Ardent. Oui. C'est ouvert au public. On peut venir vous rencontrer à cette occasion. On a une liste de personnes qu'on peut. Oui. Oui. Mais rien n'interdit effectivement de venir. Moi, je suis ouvert en tant que président. Je suis ouvert. S'il y a des personnes qui veulent venir voir un peu ce qu'est l'association, ce qu'on y fait, moi, j'ose dire oui, elles seront les bienvenues. On est en recherche. On est en recherche de personnes intéressées par de l'accueil, par l'envie aussi peut-être de connaître cet univers qui est quand même, malgré toutes les médiatisations, qui reste un milieu très, très fermé. Il y a un site internet aussi hein, pour le Didlo, c'est ledidlo.free.fr. Voilà, c'est ça. Pour les 40 ans, qu'est-ce que vous pourriez souhaiter pour les 40 ans de l'association? Souhaiter que ça perdure, bien sûr, hein, qu'on retrouve un second souffle, un souffle nouveau, parce que les familles ont besoin, je crois qu'elles ont besoin de nous, et je dirais presque qu'on a besoin d'eux, parce qu'on se nourrit aussi, nous, en tant qu'accueillants, de ce que peuvent nous confier les familles. C'est pas à sens unique. Moi, j'ai jamais vécu ça comme à sens unique. Déjà, dans ma mission, souvent, j'avais la manière de dire que souvent, les gens m'apportaient plus que je ne pensais leur apporter. C'était pas de la fausse modestie, c'était simplement qu'il y a des histoires de vie qui sont tellement incroyables que, et puis des richesses, hein. La prison, ce n'est pas qu'un tas de charbon, c'est aussi des pépites. Moi, j'ai rencontré durant tout mon temps professionnel, j'ai rencontré des êtres assez exceptionnels en prison, indépendamment des faits qui pouvaient leur être reprochés. Hein. Ça m'a construit en partie, ça a pu m'angoisser à certains moments, mais j'ai senti ma fragilité, parce qu'on est fragile par rapport à la prison. N'importe qui peut se retrouver en détention à un moment ou à un autre. Ça, c'est aussi c'est une certitude. J'ai trop vu de familles me dire, mais je n'aurais jamais imaginé venir ici, venir voir mon fils ou ma fille ou mon mari. Vraiment, je ne pouvais pas imaginer venir un jour en détention. Donc, le rôle de l'association Le Didlo est essentiel depuis 40 ans et pour de nombreuses années. On le souhaite. Donc, si vous voulez vous investir, n'hésitez pas à contacter l'association Le Didlo. Le site internet, c'est ledidlo.free.fr. Voilà, tout le monde sera le bienvenu et après, chacun fera son choix. Merci beaucoup, Michel Marchal. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.